chaînes glissent sur ma peau. Chaque maille en brûle comme un mot. Je ferme les yeux, je sens ta force. Chaque souffle franchit la porte. Right is kill, murmure dans ma nuit. Sa voix rauque ma tâche, me suit. Nos deux corps dansent sous la contrainte. Chaque désir éclate. Je cède au sort. Chaque frisson devient un accord. Ton souffle dur m'en serre mes trains. Chaque mot grave est l'interdit en moi. Ride a skill impose sa chaleur. Sa voix brute consume mes ardeurs. Nos murmures frappent comme des chaînes. Nos voix éclatent, nos corps s'enflamment. Chaque battement consume nos âmes. Sous la basse, nos souffles s'élèvent. Chaque passion devient un trêve. Feel the danger. Break the dark. Nos voix s'enchaînent dans le secret. Chaque mot brûle, interdit, muet. Je sens ta force, je plie encore. Chaque note franchit le décor. Ride the skill, ma tâche dans la nuit. Chaque vibre genre devient jouissance. Sous les chaînes la fièvre éclate. Rescuing, brutal, opaque. Feel the danger. Feel the danger. Feel the chain. Whisper slowly. Je me perds encore. Chaque souffle appelle plus fort. Red Skill brûle dans mes veines. Un chant interdit. Une douce chaîne. Red Skill.